Gil Blas de Santillane, d'Alain René le Sage, lu par Johan pour audiocité.net. Livre second, chapitre premier. Fabrice mène et fait recevoir Gil Blas chez le licencié Cédillo. Dans quel état était ce chanoine? Portrait de sa gouvernante. Nous avions si grand peur d'arriver trop tard chez le vieux licencié que nous ne fîmes qu'un saut du cul-de-sac à sa maison. Nous en trouvâmes la porte fermée. Nous frappâmes. Une fille de 10 ans, que la gouvernante faisait passer pour sa nièce en dépit de la médisance, vint ouvrir. Et comme nous lui demandions si l'on pouvait parler au chanoine, la dame Jacinthe parut. C'était une personne déjà parvenue à l'âge de discrétion, mais belle encore, et j'admirais particulièrement la fraîcheur de son teint. Elle portait une longue robe d'une étoffe de laine la plus commune, avec une large ceinture de cuir, d'où pendait d'un côté un trousseau de clés et de l'autre un chapelet à gros grains. D'abord que nous l'aperçûmes, nous la saluâmes avec beaucoup de respect. Elle nous rendit le salut fort civilement, mais d'un air modeste et les yeux baissés. « J'ai appris, lui dit mon camarade, qu'il faut un honnête garçon au seigneur licencié Cédillo, et je viens lui en présenter un dont j'espère qu'il sera content. » La gouvernante leva les yeux à ces paroles, me regarda fixement, et ne pouvant accorder ma broderie avec le discours de Fabrice, elle demanda si c'était moi qui recherchais la place vacante. « Oui, lui dit le fils de Nunez, c'est ce jeune homme. Tel que vous le voyez, il lui est arrivé des disgrâces qui l'obligent à se mettre en condition. Il se consolera de ses malheurs, ajouta-t-il d'un ton doucereux, s'il a le bonheur d'entrer dans cette maison et de vivre avec la vertueuse Jacinthe, qui mériterait d'être la gouvernante du patriarche des Indes. » À ces mots, la vieille Béate cessa de me regarder pour considérer le gracieux personnage qui lui parlait. Et frappée de ses traits, qu'elle crut ne lui être pas inconnue, « J'ai une idée confuse de vous avoir vue, lui dit-elle, aidez-moi à la débrouiller. » Chaste Jacinthe, lui répondit Fabrice, il m'est bien glorieux de m'être attiré vos regards. Je suis venue 2 fois dans cette maison, avec mon maître, le seigneur Manuel Ordoniez, l'administrateur de l'hôpital. Et justement, répliqua la gouvernante, je m'en souviens et je vous remets. Ah, puisque vous appartenez au seigneur Ordoniez, il faut que vous soyez un garçon de bien et d'honneur. Votre condition fait votre éloge, et ce jeune homme ne saurait avoir un meilleur répondant que vous. « Venez, poursuivit-elle, je vais vous faire parler au seigneur Cédillo. Je crois qu'il sera bien aise d'avoir un garçon de votre main. » Nous suivîmes la dame Jacinthe. Le chanoine était logé par bas et son appartement consistait en 4 pièces de plein pied, bien boisées. Elle nous pria d'attendre un moment dans la première et nous y laissa pour passer dans la seconde où était le licencié. Après y avoir demeuré quelque temps en particulier avec lui pour le mettre au fait, elle vint nous dire que nous pouvions entrer. Nous aperçûmes le vieux podagre enfoncé dans un fauteuil, un oreiller sous la tête, des coussins sous les bras et les jambes appuyées sur un gros carreau plein de duvet. Nous nous approchâmes de lui sans ménager les révérences. Et Fabrice, portant encore la parole, ne se contenta pas de redire ce qu'il avait dit à la gouvernante. Il se mit à vanter mon mérite et s'étendit principalement sur l'honneur que je m'étais acquis chez le docteur Godinez dans les disputes de philosophie. Comme s'il eût fallu que je fusse un grand philosophe pour être valet d'un chanoine. Cependant, par le bel éloge qu'il fit de moi, il ne laissa pas de jeter de la poudre aux yeux du licencié, qui, remarquant d'ailleurs que je ne déplaisais pas à la dame Jacinthe, dit à mon répondant « L'ami, je reçois à mon service le garçon que tu m'amènes. Il me revient assez, et je juge favorablement de ses mœurs, puisqu'il m'est présenté par un domestique du seigneur Ordoniez. » D'abord que Fabrice vit que j'étais arrêté, il fit une grande révérence au chanoine, une autre encore plus profonde à la gouvernante, et se retira fort satisfait, après m'avoir dit tout bas que nous nous reverrions et que je n'avais qu'à rester là. Dès qu'il fut sorti, le licencié me demanda comment je m'appelais, pourquoi j'avais quitté ma patrie, Et par ces questions, il m'engagea, devant la dame Jacinthe, à raconter mon histoire. Je les divertis tous deux, surtout par le récit de ma dernière aventure. Camille et Don Raphaël leur donnèrent une si forte envie de rire qu'il en pensa coûter la vie au vieux goutteux. Car, comme il riait de toute sa force, il lui prit une toux si violente que je crus qu'il allait passer. Il n'avait pas encore fait son testament. Jugez si la gouvernante fut alarmée. Je la vis tremblante, éperdue, courir au secours du bonhomme, et, faisant ce qu'on fait pour soulager les enfants qui toussent, lui frotter le front et lui taper le dos. Ce ne fut pourtant qu'une fausse alarme. Le vieillard cessa de tousser et sa gouvernante de le tourmenter. Alors je voulus achever mon récit, mais la dame Jacinthe, craignant une seconde toux, s'y opposa. Elle m'emmena même de la chambre du chanoine dans une garde-robe où, parmi plusieurs habits, était celui de mon prédécesseur. Elle me le fit prendre et mit à sa place le mien, que je n'étais pas fâchée de conserver, dans l'espérance qu'il me servirait encore. Nous allâmes ensuite tous deux préparer le dîner. Je ne parus pas neuf dans l'art de faire la cuisine. Il est vrai que j'en avais fait l'heureux apprentissage sous la dame Léonarde, qui pouvait passer pour une bonne cuisinière. Elle n'était pas toutefois comparable à la dame Jacinthe. Celle-ci l'emportait peut-être sur le cuisinier même de l'archevêque de Tolède. Elle excellait en tout. On trouva ses bisques exquises, tant elle savait bien choisir et mêler les sucs des viandes qu'elle y faisait entrer. Et ses hachis étaient assaisonnés d'une manière qui les rendait très agréables au goût. Quand le dîner fut prêt, nous retournâmes à la chambre du chanoine, où, pendant que je dressais une table auprès de son fauteuil, la gouvernante passa sous le menton du vieillard une serviette et la lui attacha aux épaules. Un moment après, je servis un potage qu'on aurait pu présenter au plus fameux directeur de Madrid, et deux entrées qui auraient eu de quoi piquer la sensualité d'un vice-roi si la dame Jacinthe n'y eût pas épargné les épices, de peur d'irriter la goutte du licencié. À la vue de ces bons plats, mon vieux maître, que je croyais perclus de tous ses membres, me montra qu'il n'avait pas encore entièrement perdu l'usage de ses bras. Il s'en aida pour se débarrasser de son oreiller et de ses coussins et se disposa gaiement à manger. Quoique la main lui tremblât, elle ne refusa pas le service. Il la faisait aller et venir assez librement, de façon pourtant qu'il répandait sur la nappe et sur sa serviette la moitié de ce qu'il portait à sa bouche. J'ôtai la bisque lorsqu'il n'en voulut plus et j'apportai une perdrix flanquée de deux cailles rôties que la dame Jacinthe lui dépeça. Elle avait aussi soin de lui faire boire de temps en temps de grands coups de vin un peu trempés dans une coupe d'argent large et profonde qu'elle lui tenait comme à un enfant de 15 mois. Il s'acharna sur les entrées et ne fit pas moins d'honneur aux petits pieds. Quand il se fut bien empiffré, la béate lui détacha sa serviette, lui remit son oreiller et ses coussins, puis, le laissant dans son fauteuil goûter tranquillement le repos qu'on prend d'ordinaire après le dîner, nous desservîmes et nous allâmes manger à notre tour. Voilà de quelle manière dînait tous les jours notre chanoine, qui était peut-être le plus grand mangeur du chapitre. Mais il soupait plus légèrement, il se contentait d'un poulet avec quelques compotes de fruits. Je faisais bonne chère dans cette maison. J'y menais une vie très douce. Je n'y avais qu'un désagrément. C'est qu'il me fallait veiller mon maître et passer la nuit comme un garde-malade. Outre une rétention d'urine qui l'obligeait à demander 10 fois par heure son pot de chambre, il était sujet à suer. Et quand cela arrivait, je lui changeais de chemise. « Gil Blas, me dit-il dès la seconde nuit, tu as de l'adresse et de l'activité. Je prévois que je m'accommoderai bien de ton service. Je te recommande seulement d'avoir de la complaisance pour la dame Jacinthe. C'est une fille qui me sert depuis 15 années avec un zèle tout particulier. Elle a un soin de ma personne que je ne puis assez reconnaître. Aussi, je te l'avoue, elle m'est plus chère que toute ma famille. J'ai chassé de chez moi, pour l'amour d'elle, mon neveu, le fils de ma propre sœur. Il n'avait aucune considération pour cette pauvre fille. Et bien loin de rendre justice à l'attachement sincère qu'elle a pour moi, l'insolent l'a traitée de fausse dévote. car aujourd'hui la vertu ne paraît qu'hypocrisie aux jeunes gens. Grâce au ciel, je me suis défait de ce marot-là. Je préfère au droit du sang l'affection qu'on me témoigne, et je ne me laisse prendre seulement que par le bien qu'on me fait. « Vous avez raison, monsieur, » dis-je alors au licencié. « La reconnaissance doit avoir plus de force sur nous que les lois de la nature. » « Sans doute, » reprit-il, « et mon testament fera bien voir que je ne me soucie guère de mes parents. Ma gouvernante y aura bonne part, et tu n'y seras point oublié, si tu continues comme tu commences à me servir. Le valet que j'ai mis dehors hier a perdu par sa faute un bon legs. Si ce misérable ne m'eût pas obligé, par ses manières, à lui donner son congé, je l'aurais enrichi. Mais c'était un orgueilleux qui manquait de respect à la dame Jacinthe, un paresseux qui craignait la peine. Il n'aimait point à me veiller, et c'était pour lui une chose bien fatigante que de passer les nuits à me soulager. « Ah, le malheureux !» m'écriai-je, comme si le génie de Fabrice m'eût inspiré. « Il ne méritait pas d'être auprès d'un aussi honnête homme que vous. Un garçon qui a le bonheur de vous appartenir doit avoir un zèle infatigable. Il doit se faire un plaisir de son devoir, et ne se pas croire occupé, lors même qu'il sût sans qu'est au pauvre. » Je m'aperçus que ces paroles plurent fort au licencié. Il ne fut pas moins content de l'assurance que je lui donnais d'être toujours parfaitement soumis aux volontés de la dame Jacinthe. Voulant donc passer pour un valet que la fatigue ne pouvait rebuter, je faisais mon service de la meilleure grâce qu'il m'était possible. Je ne me plaignais point d'être toutes les nuits sur pied. Je ne laissais pas pourtant de trouver cela très désagréable. Et sans le legs dont je repaissais mon espérance, je me serais bientôt dégoûté de ma condition. Je me reposais à la vérité quelques heures pendant le jour. La gouvernante, je lui dois cette justice, avait beaucoup d'égards pour moi. Ce qu'il fallait attribuer aux soins que je prenais de gagner ses bonnes grâces par des manières complaisantes et respectueuses. Étais-je à table avec elle et sa nièce, qu'on appelait Inésie, je leur changeais d'assiette, je leur versais à boire, j'avais une attention toute particulière à les servir. Je m'insinuais par là dans leur amitié. Un jour que la dame Jacinthe était sortie pour aller à la provision, me voyant seule avec Inésie, je commençais à l'entretenir. Je lui demandai si son père et sa mère vivaient encore. « Oh que non !» me répondit-elle. « Il y a bien longtemps qu'ils sont morts, car ma bonne tante me l'a dit, et je ne les ai jamais vus. » Je crus pieusement la petite fille, quoique sa réponse ne fût pas catégorique. Et je la mis si bien en train de parler qu'elle m'en dit plus que je n'en voulais savoir. Elle m'apprit, ou plutôt je compris, par les naïvetés qui lui échappèrent, que sa bonne tante avait un bon ami qui demeurait aussi auprès d'un vieux chanoine dont il administrait le temporel et que ses heureux domestiques comptaient d'assembler les dépouilles de leur maître par un hyménée dont ils goûtaient les douceurs par avance. J'ai déjà dit que la dame Jacinthe, bien qu'un peu surannée, avait encore de la fraîcheur. Il est vrai qu'elle n'épargnait rien pour se conserver. Outre qu'elle prenait tous les matins un clister, elle avalait pendant le jour et en se couchant d'excellents coulis. De plus, elle dormait tranquillement la nuit, tandis que je veillais mon maître. Mais ce qui peut-être contribuait encore plus que toutes ces choses à lui rendre le teint frais, c'était, à ce que me dit Inésie, une fontaine qu'elle avait à chaque jambe. Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 2. De quelle manière le chanoine, étant tombé malade, fut traité, ce qu'il en arriva et ce qu'il laissa par testament à Gil Blas. Je servis pendant 3 mois le licencié Cédillo sans me plaindre des mauvaises nuits qu'il me faisait passer. Au bout de ce temps-là, il tomba malade. La fièvre le prit et, avec le mal qu'elle lui causait, il sentit irriter sa goutte. Pour la première fois de sa vie, qui avait été longue, il eut recours au médecin. Il demanda le docteur Sangrado, que tout Valladolid regardait comme un Hippocrate. La dame Jacinthe aurait mieux aimé que le chanoine eût commencé par faire son testament. Elle lui en toucha même quelques mots. Mais, outre qu'il ne se croyait pas encore proche de sa fin, il avait de l'opiniâtreté dans certaines choses. J'allai donc chercher le docteur Sangrado. je l'amenais au logis. C'était un grand homme sec et pâle, et qui, depuis 40 ans pour le moins, occupait le ciseau des parcs. Ce savant médecin avait l'extérieur grave. Il pesait ses discours et donnait de la noblesse à ses expressions. Ses raisonnements paraissaient géométriques et ses opinions fort singulières. Après avoir observé mon maître, il lui dit d'un air doctoral: « Il s'agit ici de suppléer au défaut de la transpiration arrêtée. D'autres, à ma place, ordonneraient sans doute des remèdes salins, urineux, volatiles, et qui pour la plupart participent du soufre et du mercure. Mais les purgatifs et les sudorifiques sont des drogues pernicieuses. Toutes les préparations chimiques ne semblent faites que pour nuire. J'emploie des moyens plus simples et plus sûrs. À quelle nourriture, continua-t-il, êtes-vous accoutumé ? Je mange ordinairement, répondit le chanoine, des bisques et des viandes succulentes. Des bisques et des viandes succulentes ? S'écria le docteur avec surprise. Ah, vraiment ? Je ne m'étonne point si vous êtes malade. Les mets délicieux sont des plaisirs empoisonnés. Ce sont des pièges que la volupté tente aux hommes pour les faire périr plus sûrement. Il faut que vous renonciez aux aliments de bon goût. Les plus fats sont les meilleurs pour la santé. Comme le sang est insipide, il veut des mets qui tiennent de sa nature. Et buvez-vous du vin ? Ajouta-t-il. Oui, dit le licencié, du vin trempé. Oh, trempé tant qu'il vous plaira, reprit le médecin. Quel dérèglement ! Voilà un régime épouvantable. Il y a longtemps que vous devriez être mort. Quel âge avez-vous ? J'entre dans ma 69e année, répondit le chanoine. Justement, répliqua le médecin. Une vieillesse anticipée est toujours le fruit de l'intempérance. Si vous n'eussiez bu que de l'eau claire toute votre vie et que vous vous fussiez contenté d'une nourriture simple, de pommes cuites par exemple, vous ne seriez pas présentement tourmenté de la goutte et tous vos membres feraient encore facilement leur fonction. Je ne désespère pas toutefois de vous remettre sur pied, pourvu que vous vous abandonniez à mes ordonnances. Le licencié promit de lui obéir en toutes choses. Alors Sangrado m'envoya chercher un chirurgien qu'il me nomma et fit tirer à mon maître 6 bonnes palettes de sang pour commencer à suppléer au défaut de la transpiration. Puis il dit au chirurgien « Maître Martin Ognès, revenez dans 3 heures en faire autant et demain vous recommencerez. C'est une erreur de penser que le sang soit nécessaire à la conservation de la vie. On ne peut trop saigner un malade. Comme il n'est obligé à aucun mouvement ou exercice considérable et qu'il n'a rien à faire que de ne point mourir, il ne lui faut pas plus de sang pour vivre qu'à un homme endormi. La vie, dans tous les deux, ne consiste que dans le pouls et dans la respiration. » Lorsque le docteur eut ordonné de fréquentes et copieuses saignées, il dit qu'il fallait aussi donner au chanoine de l'eau chaude à tout moment, assurant que l'eau bue en abondance pouvait passer pour le véritable spécifique contre toutes sortes de maladies. Il sortit ensuite en disant d'un air de confiance à la dame Jacinthe et à moi qu'il répondait de la vie du malade, si on le traitait de la manière qu'il venait de prescrire. La gouvernante, qui jugeait peut-être autrement que lui de sa méthode, protesta qu'on la suivrait avec exactitude. En effet, nous mîmes promptement de l'eau à chauffer, et comme le médecin nous avait recommandé sur toute chose de ne la point épargner, nous en fîmes d'abord boire à mon maître 2 ou 3 pintes à long trait. Une heure après, nous réitérâmes, puis, retournant encore de temps en temps à la charge, nous versâmes dans son estomac un déluge d'eau. De notre côté, le chirurgien nous secondant par la quantité de sang qu'il tirait, nous réduisîmes en moins de 2 jours le vieux chanoine à l'extrémité. Ce bon ecclésiastique, n'en pouvant plus, comme je voulais lui faire avaler encore un grand verre du spécifique, me dit d'une voix faible « Arrête, Gil Blas, ne m'en donne pas davantage, mon ami. Je vois bien qu'il faut mourir. malgré la vertu de l'eau, et quoiqu'il me reste à peine une goutte de sang, je ne m'en porte pas mieux pour cela. Ce qui prouve bien que le plus habile médecin du monde ne saurait prolonger nos jours quand leur terme fatal est arrivé. Va me chercher un notaire, je veux faire mon testament. » À ces derniers mots, que je n'étais pas fâchée d'entendre, j'affectai de paraître fort triste, et, cachant l'envie que j'avais de m'acquitter de la commission qu'il me donnait, « Eh mais, monsieur, lui dis-je, vous n'êtes pas si bas, Dieu merci, que vous ne puissiez vous relever. » « Non, non, repartit-il, mon enfance, ça n'est fait. Je sens que la goutte remonte et que la mort s'approche. Hâte-toi d'aller où je t'ai dit. » Je m'aperçus effectivement qu'il changeait à vue d'œil, et la chose me parut si pressante que je sortis vite pour faire ce qu'il m'ordonnait, laissant auprès de lui la dame Jacinthe, qui craignait encore plus que moi qu'il ne mourût sans tester. J'entrai dans la maison du premier notaire dont on m'enseigna la demeure, et, le trouvant chez lui, « Monsieur, lui dis-je, le licencié Cédillo, mon maître, tire à sa fin. Il veut faire écrire ses dernières volontés. Il n'y a pas un moment à perdre. » Le notaire était un petit vieillard gai qui se plaisait à railler. Il me demanda quel médecin voyait le chanoine. Je lui répondis que c'était le docteur Sangrado. À ce nom, prenant brusquement son manteau et son chapeau, « Vive Dieu ! S'écria-t-il, partons donc en diligence. Car ce docteur est si expéditif qu'il ne donne pas le temps à ses malades d'appeler les notaires. Cet homme-là m'a bien soufflé des testaments. » En parlant de cette sorte, il s'empressa de sortir avec moi. Et pendant que nous marchions tous deux à grands pas pour prévenir l'agonie, je lui dis « Monsieur, vous savez qu'un testateur mourant manque souvent de mémoire. Si par hasard mon maître vient à m'oublier, je vous prie de le faire souvenir de mon zèle. » « Je le veux bien, mon enfant, » me répondit le petit notaire. « Tu peux compter là-dessus. Je l'exhorterai même à te donner quelque chose de considérable pour peu qu'il soit disposé à reconnaître tes services. » Le licencié, quand nous arrivâmes dans sa chambre, avait encore tout son bon sens. La dame Jacinthe, le visage baigné de pleurs de commande, était auprès de lui. Elle venait de jouer son rôle et de préparer le bonhomme à lui faire beaucoup de bien. Nous laissâmes le notaire seul avec mon maître et passâmes, elle et moi, dans l'antichambre où nous rencontrâmes le chirurgien que le médecin envoyait pour faire une nouvelle et dernière saignée. Nous l'arrêtâmes. « Attendez, maître Martin, lui dit la gouvernante, vous ne sauriez entrer présentement dans la chambre du seigneur Cédillo. Il va dicter ses dernières volontés à un notaire qui est avec lui. Vous le saignerez quand il aura fait son testament. » Nous avions grand peur, la béate et moi, que le licencié ne mourût en testant. Mais, par bonheur, l'acte qui causait notre inquiétude se fit. Nous vîmes sortir le notaire, qui, me trouvant sur son passage, me frappa sur l'épaule et me dit en souriant, « On n'a point oublié Gil Blas. » À ces mots, je ressentis une joie toute des plus vives. Et je sus si bon gré à mon maître de s'être souvenu de moi, que je me promis de bien prier Dieu pour lui après sa mort, qui ne manqua pas d'arriver bientôt. Car le chirurgien, l'ayant encore saigné, le pauvre vieillard, qui n'était déjà que trop affaibli, expira presque dans le moment. Comme il rendait les derniers soupirs, le médecin parut et demeura un peu sot, malgré l'habitude qu'il avait de dépêcher ses malades. Cependant, loin d'imputer la mort du chanoine à la boisson et au saigné, il sortit en disant d'un air froid qu'on ne lui avait pas tiré assez de sang ni fait boire assez d'eau chaude. L'exécuteur de la haute médecine, je veux dire le chirurgien, voyant aussi qu'on n'avait plus besoin de son ministère, suivit le docteur Sangrado. Sitôt que nous vîmes le patron sans vue, nous fîmes la dante Jacinthe, Inésie et moi un concert de cris funèbres qui fut entendu de tout le voisinage. La béate surtout, qui avait le plus grand sujet de se réjouir, poussait des accents si plaintifs qu'elle semblait être la personne du monde la plus touchée. La chambre, en un instant, se remplit de gens, moins attirés par la compassion que par la curiosité. Les parents du défunt n'eurent pas plus tôt vent de sa mort qu'ils vinrent fondre au logis et faire mettre le scellé partout. Ils trouvèrent la gouvernante si affligée qu'ils crurent d'abord que le chanoine n'avait point fait de testament. Mais ils apprirent bientôt qu'il y en avait un, revêtu de toutes les formalités nécessaires, et lorsqu'on vint à l'ouvrir et qu'ils virent que le testateur avait disposé de ses meilleurs effets en faveur de la dame Jacinthe et de la petite fille, ils firent son oraison funèbre dans des termes peu honorables à sa mémoire. Ils apostrophèrent la béate et me donnèrent aussi quelques louanges. Il faut avouer que je les méritais bien. Le licencié, devant Dieu soit son âme, pour m'engager à me souvenir de lui toute ma vie, s'expliquait ainsi pour mon compte par un article de son testament. Item, puisque Gil Blas est un garçon qui a déjà de la littérature, pour achever de le rendre savant, je lui laisse ma bibliothèque, tous mes livres et mes manuscrits, sans aucune exception. J'ignorais où pouvait être cette prétendue bibliothèque. Je ne m'étais point aperçu qu'il y en eût dans la maison. Je savais seulement qu'il y avait quelques papiers, avec 5 ou 6 volumes, sur 2 petits ais de sapin dans le cabinet de mon maître. C'était là mon legs. Encore, les livres ne me pouvaient-ils être d'une grande utilité. L'un avait pour titre « Le cuisinier parfait ». L'autre traitait de l'indigestion et de la manière de la guérir. Et les autres étaient les 4 parties du bréviaire que les vers avaient à demi rongées. À l'égard des manuscrits, le plus curieux contenait toutes les pièces d'un procès que le chanoine avait eu autrefois pour sa prébende. Après avoir examiné mon legs avec plus d'attention qu'il n'en méritait, je l'abandonnai aux parents qui me l'avaient tant envié. Je leur remis même l'habit dont j'étais revêtue. Et je repris le mien, bornant à mes gages le fruit de mes services. J'allai chercher ensuite une autre maison. Pour la dame Jacinthe, outre les sommes qui lui avaient été léguées, elle eut encore de bonnes nippes qu'à l'aide de son bon ami, elle avait détournées pendant la maladie du licencié. Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 3. Gil Blas s'engage au service du docteur Sangrado et devient un célèbre médecin. Je résolus d'aller trouver le seigneur Arias de Londoña et de choisir dans son registre une nouvelle condition. Mais comme j'étais près d'entrer dans le cul-de-sac où il demeurait, je rencontrai le docteur Sangrado, que je n'avais point vu depuis le jour de la mort de mon maître, et je pris la liberté de le saluer. Il me remit dans le moment, quoique j'eusse changé d'habit, et témoignant quelque joie de me voir, « Et te voilà, mon enfant, me dit-il, je pensais à toi tout à l'heure. J'ai besoin d'un bon garçon pour me servir. Et je songeais que tu serais bien de mon fait, si tu savais lire et écrire. » « Monsieur, lui répondis-je, sur ce pied-là, je suis donc votre affaire. » « Cela étant, reprit-il, tu es l'homme qu'il me faut. Viens chez moi. Tu n'y auras que de l'agrément. Je te traiterai avec distinction. » Je ne te donnerai point de gage, mais rien ne te manquera. J'aurai soin de t'entretenir proprement et je t'enseignerai le grand art de guérir toutes les maladies. En un mot, tu seras plutôt mon élève que mon valet. J'acceptai donc la proposition du docteur dans l'espérance que je pourrais, sous un si savant maître, me rendre illustre dans la médecine. Il me mena chez lui sur le champ pour m'installer dans l'emploi qu'il me destinait. Et cet emploi consistait à écrire le nom et la demeure des malades qu'il l'envoyait chercher pendant qu'il était en ville. Il y avait pour cet effet, au logis, un registre dans lequel une vieille servante qu'il avait pour tout domestique marquait les adresses. Mais, outre qu'elle ne savait point l'orthographe, elle écrivait si mal qu'on ne pouvait le plus souvent déchiffrer son écriture. Il me chargea du soin de tenir ce livre, qu'on pouvait justement appeler un registre mortuaire, puisque les gens dont je prenais les noms mouraient presque tous. J'inscrivais, pour ainsi parler, les personnes qui voulaient partir pour l'autre monde, comme un commis dans un bureau de voiture publique écrit le nom de ceux qui retiennent des places. J'avais souvent la plume à la main parce qu'il n'y avait point, en ce temps-là, de médecin à Valladolid plus accrédité que le docteur Sangrado. Il s'était mis en réputation dans le public par un verbiage spécieux, soutenu d'un air imposant et par quelques cures heureuses qui lui avaient fait plus d'honneur qu'il n'en méritait. Il ne manquait pas de pratique, ni par conséquent de biens. Il n'en faisait pas toutefois meilleure chère. On vivait chez lui très frugalement. Nous ne mangions d'ordinaire que des pois, des fèves, des pommes cuites ou du fromage. Il disait que ces aliments étaient les plus convenables à l'estomac, comme étant les plus propres à la trituration, c'est-à-dire à être broyés plus aisément. Néanmoins, bien qu'il les crût de facile digestion, il ne voulait point qu'on s'en rassasiât. En quoi, certes, il se montrait fort raisonnable. Mais s'il nous défendait, à la servante et à moi, de manger beaucoup, en récompense, il nous permettait de boire de l'eau à discrétion. Bien loin de nous prescrire des bornes là-dessus, il nous disait quelquefois « Buvez, mes enfants, la santé consiste dans la souplesse et l'humectation des parties. Buvez de l'eau abondamment, c'est un dissolvant universel. L'eau fond tous les sels. Le cours du sang est-il ralenti? Elle le précipite. Est-il trop rapide? Elle en arrête l'impétuosité. » Notre docteur était de si bonne foi sur cela qu'il ne buvait jamais lui-même que de l'eau, bien qu'il fût d'un âge avancé. Il définissait la vieillesse une phtisie naturelle qui nous dessèche et nous consume. Et sur cette définition, il déplorait l'ignorance de ceux qui nomment le vin le lait des vieillards. Il soutenait que le vin les use et les détruit, et disait fort éloquemment que cette liqueur funeste est pour eux, comme pour tout le monde, un ami qui trahit et un plaisir qui trompe. Malgré ses beaux raisonnements, après avoir été 8 jours dans cette maison, il me prit un cours de ventre et je commençai à sentir de grands maux d'estomac que j'eus la témérité d'attribuer au dissolvant universel et à la mauvaise nourriture que je prenais. Je m'en plaignis à mon maître dans la pensée qu'il pourrait se relâcher et me donner un peu de vin à mes repas. Mais il était trop ennemi de cette liqueur pour me l'accorder. « Si tu te sens, me dit-il, quelque dégoût pour l'eau pure, il y a des secours innocents pour soutenir l'estomac contre la fadeur des boissons aqueuses. La sauge, par exemple, et la véronique, leur donnent un goût délectable. Et si tu veux les rendre encore plus délicieuses, tu n'as qu'à y mêler de la fleur d'œillet, du romarin ou du coquelicot. » Il avait beau vanter l'eau et m'enseigner le secret d'en composer des breuvages exquis, j'en buvais avec tant de modération que, s'en étant aperçu, il me dit « Eh, vraiment, Gil Blas, je ne m'étonne point si tu ne jouis pas d'une parfaite santé. Tu ne bois pas assez, mon ami. L'eau prise en petite quantité ne sert qu'à développer les parties de la bile et qu'à leur donner plus d'activité, au lieu qu'il faut les noyer par un délayant copieux. Ne crains pas, mon enfant, que l'abondance de l'eau affaiblisse ou refroidisse ton estomac. Loin de toi cette terreur panique que tu te fais peut-être de la boisson fréquente. Je te garantis de l'événement. Et si tu ne me trouves pas bon pour t'en répondre, Celse même t'en sera garant. Cet oracle latin fait un éloge admirable de l'eau. » Ensuite, il dit en termes express que ceux qui, pour boire du vin, s'excusent sur la faiblesse de leur estomac, font une injustice manifeste à ce viscère et cherchent à couvrir leur sensualité. Comme j'aurais eu mauvaise grâce de me montrer indocile en entrant dans la carrière de la médecine, je parus persuadé qu'il avait raison. J'avouerai même que je le crus effectivement. Je continuai donc à boire de l'eau sur la garantie de Celse. Ou plutôt, je commençais à noyer la bile en buvant copieusement de cette liqueur. Et quoique de jour en jour je m'en sentisse plus incommodé, le préjugé l'emportait sur l'expérience. J'avais, comme on voit, une heureuse disposition à devenir médecin. Je ne pus pourtant résister toujours à la violence de mes maux, qui s'accrurent à un point que je pris enfin la résolution de sortir de chez le docteur Sangrado. Mais il me chargea d'un nouvel emploi qui me fit changer de sentiment. « Écoute, mon enfant, me dit-il un jour, je ne suis point de ces maîtres durs et ingrats qui laissent vieillir leurs domestiques dans la servitude avant que de les récompenser. Je suis content de toi, je t'aime, et sans attendre que tu m'aies servi plus longtemps, je vais faire ton bonheur. Je veux tout à l'heure te découvrir le fin de l'art salutaire que je professe depuis tant d'années. Les autres médecins en font consister la connaissance dans 1000 sciences pénibles, et moi je prétends t'abréger un chemin si long et t'épargner la peine d'étudier la physique, la pharmacie, la botanique et l'anatomie. Sache, mon ami, qu'il ne faut que saigner et faire boire de l'eau chaude. Voilà le secret de guérir toutes les maladies du monde. Oui, ce merveilleux secret que je te révèle et que la nature, impénétrable à mes confrères, n'a pu dérober à mes observations, est renfermé dans ces deux points, dans la saignée et dans la boisson fréquente. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu sais la médecine à fond. Et profitant du fruit de ma longue expérience, tu deviens tout d'un coup aussi habile que moi. Tu peux, continua-t-il, me soulager présentement. Tu tiendras le matin notre registre et l'après-midi tu sortiras pour aller voir une partie de mes malades. Tandis que j'aurai soin de la noblesse et du clergé, tu iras pour moi dans les maisons du tiers-état où l'on m'appellera. Et lorsque tu auras travaillé quelque temps, je te ferai agréger à notre corps. Tu es savant, Gil Blas, avant que d'être médecin. Au lieu que les autres sont longtemps médecins, et la plupart toute leur vie, avant que d'être savant. Je remerciai le docteur de m'avoir si promptement rendu capable de lui servir de substitut. Et pour reconnaître les bontés qu'il avait pour moi, je l'assurai que je suivrais toute ma vie ses opinions, quand même elles seraient contraires à celles d'Hippocrate. Cette assurance pourtant n'était pas tout à fait sincère. Je désapprouvais son sentiment sur l'eau et je me proposais de boire du vin tous les jours en allant voir mes malades. Je pendis au croc une seconde fois mon habit pour en prendre un de mon maître et me donner l'air d'un médecin. Après quoi je me disposais à exercer la médecine aux dépens de qui il appartiendrait. Je débutais par un alguazil qui avait une pleurésie. J'ordonnai qu'on le saignât sans miséricorde et qu'on ne lui plaignît point l'eau. J'entrai ensuite chez un pâtissier à qui la goutte faisait pousser de grands cris. Je ne ménageai pas plus son sang que celui de l'alguazil et je ne lui défendis point la boisson. Je reçus 12 réaux pour mes ordonnances, ce qui me fit prendre tant de goût à la profession que je ne demandais plus que plaie et bosse. En sortant de la maison du pâtissier, je rencontrai Fabrice, que je n'avais point vu depuis la mort du licencié Cédillo. Il me regarda pendant quelques moments avec surprise. Puis il se mit à rire de toute sa force en se tenant les côtes. Ce n'était pas sans raison. J'avais un manteau qui traînait à terre, avec un pourpoint et un haut de chausse 4 fois plus long et plus large qu'il ne fallait. Je pouvais passer pour une figure originale. Je le laissai s'épanouir la rate, non sans être tenté de suivre son exemple. Mais je me contraignis pour garder le décorum dans la rue et mieux contrefaire le médecin qui n'est pas un animal risible. Si mon air ridicule avait excité les ris de Fabrice, mon sérieux les redoubla. Et lorsqu'il s'en fut bien donné, « Vive Dieu, Gil Blas !» me dit-il. « Te voilà plaisamment équipé. Qui diable t'a déguisé de la sorte ?» « Tout beau, mon ami, lui répondis-je, tout beau, respecte un nouvel Hippocrate. Apprends que je suis le substitut du docteur Sangrado, qui est le plus fameux médecin de Valladolid. Je demeure chez lui depuis 3 semaines. Il m'a montré la médecine à fond. Et comme il ne peut fournir à tous les malades qui le demandent, j'envoie une partie pour le soulager. Il va dans les grandes maisons et moi dans les petites. « Fort bien, reprit Fabrice, c'est-à-dire qu'il t'abandonne le sang du peuple et se réserve celui des personnes de qualité. Je te félicite de ton partage. Il vaut mieux avoir affaire à la populace qu'au grand monde. Vive un médecin de faubourg. ses fautes sont moins en vue et ses assassinats ne font point de bruit. « Oui, mon enfant, ajouta-t-il, ton sort me paraît digne d'envie. Et pour parler comme Alexandre, si je n'étais pas Fabrice, je voudrais être Gil Blas. » Pour faire voir au fils du barbier Nunez qu'il n'avait pas tort de vanter le bonheur de ma condition présente, je lui montrai les réaux de l'alguazil et du pâtissier. Puis nous entrâmes dans un cabaret pour en boire une partie. On nous apporta d'assez bons vins que l'envie d'en goûter me fit trouver encore meilleur qu'il n'était. J'en bus à longs traits, et, n'en déplaise à l'oracle latin, à mesure que j'en versais dans mon estomac, je sentais que ce viscère ne me savait pas mauvais gré des injustices que je lui faisais. Nous demeurâmes longtemps dans ce cabaret, Fabrice et moi. Nous y rîmes bien aux dépens de nos maîtres, comme cela se pratique entre valets. Ensuite, voyant que la nuit approchait, nous nous séparâmes, après nous être mutuellement promis que, le jour suivant, l'après-dîner, nous nous retrouverions au même lieu. Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 4. Gil Blas continue d'exercer la médecine avec autant de succès que de capacité, aventure de la bague retrouvée. Je ne fus pas sitôt au logis que le docteur Sangrado y arriva. Je lui parlai des malades que j'avais vus et lui remis entre les mains 8 réaux qui me restaient des 12 que j'avais reçus pour mes ordonnances. 8 réaux, me dit-il après les avoir comptés, c'est peu de choses pour 2 visites. Mais il faut tout prendre. Aussi les prit-il presque tous. Il en garda 6 et me donna les 2 autres. Tiens, Gil Blas, poursuivit-il. « Voilà pour commencer à te faire un fond. Je t'abandonne le quart de ce que tu m'apporteras. Tu seras bientôt riche, mon ami, car il y aura, s'il plaît à Dieu, bien des maladies cette année. » J'avais bien lieu d'être content de mon partage, puisque, ayant dessein de retenir toujours le quart de ce que je recevrais en ville, et touchant encore le quart du reste, c'était, si l'arithmétique est une science certaine, près de la moitié du tout qui me revenait. Cela m'inspira une nouvelle ardeur pour la médecine. Le lendemain, dès que j'eus dîné, je repris mon habit de substitut et me remis en campagne. Je visitai plusieurs malades que j'avais inscrits et je les traitai tous de la même manière, bien qu'ils eussent des mots différents. Jusque-là, les choses s'étaient passées sans bruit et personne, grâce au ciel, ne s'était encore révolté contre mes ordonnances. Mais, quelque excellente que soit la pratique d'un médecin, elle ne saurait manquer de censeur. J'entrai chez un marchand épicier qui avait un fils hydropique. J'y trouvai un petit médecin brun, qu'on nommait le docteur Cuccio, et qu'un parent du maître de la maison venait d'amener. Je fis de profondes révérences à tout le monde, et particulièrement au personnage que je jugeais qu'on avait appelé pour le consulter sur la maladie dont il s'agissait. Il me salua d'un air grave. Puis, m'ayant envisagé quelques moments avec beaucoup d'attention, « Seigneur docteur, me dit-il, je vous prie d'excuser ma curiosité. Je croyais connaître tous les médecins de Valladolid, mes confrères, et je vous avoue que vos traits me sont inconnus. Il faut que, depuis très peu de temps, vous soyez venu vous établir dans cette ville. » Je répondis que j'étais un jeune praticien et que je ne travaillais encore que sous les auspices du docteur Sangrado. « Je vous félicite, reprit-il poliment, d'avoir embrassé la méthode d'un si grand homme. Je ne doute point que vous ne soyez déjà très habile, quoique vous me paraissiez fort jeune. » Il dit cela d'un air si naturel que je ne savais s'il avait parlé sérieusement ou s'il s'était moqué de moi. Et je rêvais à ce que je devais lui répliquer, lorsque l'épicier, prenant ce moment pour parler, nous dit « Messieurs, je suis persuadé que vous savez parfaitement l'un et l'autre l'art de la médecine. Examinez, s'il vous plaît, mon fils, et ordonnez ce que vous jugerez à propos qu'on fasse pour le guérir. » Là-dessus, le petit médecin se mit à observer le malade. Et après m'avoir fait remarquer tous les symptômes qui découvraient la nature de la maladie, il me demanda de quelle manière je pensais qu'on dût le traiter. « Je suis d'avis, répondis-je, qu'on le saigne tous les jours et qu'on lui fasse boire de l'eau chaude abondamment. » À ces paroles, le petit médecin me dit en souriant d'un air plein de malice. « Et vous croyez que ces remèdes lui sauveront la vie ?»« N'en doutez pas, » m'écriai-je d'un ton ferme. « Ils doivent produire cet effet, puisque ce sont des spécifiques contre toutes sortes de maladies. Demandez au seigneur Sangrado. » Sur ce pied-là, reprit-il, celle sa grand tort d'assurer que, pour guérir plus facilement un hydropique, il est à propos de lui faire souffrir la soif et la faim. « Oh, Celse, lui répardis-je, n'est pas mon oracle. Il se trompait comme un autre, et quelquefois je me sais bon gré d'aller contre ses opinions. « Je reconnais à vos discours, me dit Cuccio, la pratique sûre et satisfaisante dont le docteur Sangrado veut insinuer la méthode aux jeunes praticiens. La saignée et la boisson sont sa médecine universelle. Je ne suis pas surpris si tant d'honnêtes gens périssent entre ses mains. N'en venons point aux invectives, interrompis-je assez brusquement. Un homme de votre profession a bonne grâce de faire de pareils reproches. Allez, allez, monsieur le docteur, sans saigner et sans faire boire de l'eau chaude, on envoie bien des malades dans l'autre monde. Et vous en avez peut-être vous-même expédié plus qu'un autre. Si vous en voulez au seigneur Sangrado, écrivez contre lui. Il vous répondra et nous verrons de quel côté seront les rieurs. Par Saint-Jacques et par Saint-Denis, interrompit-il à son tour avec emportement, vous ne connaissez guère le docteur Cuccio. Sachez, mon ami, que j'ai bec et ongles et que je ne crains nullement Sangrado, qui, malgré sa présomption et sa vanité, n'est qu'un original. La figure du petit médecin me fit mépriser sa colère. Je lui répliquai avec aigreur. Il me repartit de la même sorte, et bientôt nous en vîmes aux gourmades. Nous eûmes le temps de nous donner quelques coups de poing et de nous arracher l'un à l'autre une poignée de cheveux avant que l'épicier et son parent puissent nous séparer. Lorsqu'ils en furent venus à bout, ils me payèrent ma visite et retinrent mon antagoniste qui leur parut apparemment plus habile que moi. Après cette aventure, peu s'en fallut qu'il ne m'en arrivât une autre. J'allai voir un gros chantre qui avait la fièvre. Sitôt qu'il m'entendit parler d'eau chaude, il se montra si récalcitrant contre ce spécifique qu'il se mit à jurer. Il me dit un million d'injures et me menaça même de me jeter par les fenêtres. Je sortis de chez lui plus vite que je n'y étais entré. Je ne voulus plus voir de malade ce jour-là. Je gagnai l'hôtellerie où j'avais donné rendez-vous à Fabrice. Il y était déjà. Comme nous nous trouvâmes en humeur de boire, nous fîmes la débauche et nous en retournâmes chez nos maîtres en bon état, c'est-à-dire entre deux vins. Le seigneur Sangrado ne s'aperçut point de mon ivresse parce que je lui racontai avec tant d'action le démêlé que j'avais eu avec le petit docteur qu'il prit ma vivacité pour un effet de l'émotion qui me restait encore de mon combat. D'ailleurs, il entrait pour son compte dans le rapport que je lui faisais. Et se sentant piqué contre Cuccio, « Tu as bien fait, Gil Blas, me dit-il, de défendre l'honneur de nos remèdes contre ce petit avorton de la faculté. Il prétend donc qu'on ne doit pas permettre les boissons aqueuses aux hydropiques ? L'ignorant, je soutiens, moi, qu'il faut leur en accorder l'usage. « Oui, l'eau, poursuivit-il, peut guérir toutes sortes d'hydropisie, comme elle est bonne pour les rhumatismes et pour les pâles couleurs. Elle est encore excellente dans ces fièvres où l'on brûle et glace tout à la fois, et merveilleuse même dans ces maladies qu'on impute à des humeurs froides, séreuses, phlegmatiques et pituiteuses. » Cette opinion paraît étrange aux jeunes médecins tels que Cuccio, mais elle est très soutenable en bonne médecine. Et si ces gens-là étaient capables de raisonner en logicien, au lieu qu'ils me décrit, ils deviendraient mes plus zélés partisans. Il ne me soupçonna donc point d'avoir bu tant qu'il était en colère. Car, pour l'aigrir encore davantage contre le petit docteur, j'avais mis dans mon rapport quelques circonstances de mon cru. Cependant, tout occupé qu'il était de ce que je venais de lui dire, il ne laissa pas de s'apercevoir que je buvais ce soir-là plus d'eau qu'à l'ordinaire. Effectivement, le vin m'avait fort altéré. Tout autre que Sangrado se serait défié de la soif qui me pressait et des grands coups d'eau que j'avalais. Mais lui, il s'imagina bonnement que je commençais à prendre goût aux boissons aqueuses. « À ce que je vois, Gil Blas, me dit-il en souriant, tu n'as plus tant d'aversion pour l'eau. Vive Dieu, tu la bois comme du nectar. Cela ne m'étonne point, mon ami. Je savais bien que tu t'accoutumerais à cette liqueur. Monsieur, lui répondis-je, chaque chose a son temps. Je donnerai à l'heure qu'il est un muid de vin pour une pinte d'eau. Cette réponse charma le docteur, qui ne perdit pas une si belle occasion de relever l'excellence de l'eau. Il entreprit d'en faire un nouvel éloge, non en orateur froid, mais en enthousiaste. « 1000 fois, s'écria-t-il, 1000 et 1000 fois plus estimable et plus innocent que les cabarets de nos jours, ces Thermopyles des siècles passés, où on n'allait pas honteusement prostituer son bien et sa vie en se gorgeant de vin, mais où l'on s'assemblait pour s'amuser, honnêtement et sans risque, à boire de l'eau chaude. On ne peut trop admirer la sage prévoyance de ces anciens maîtres de la vie civile, qui avaient établi des lieux publics où l'on donnait de l'eau à boire à tout venant, et qui renfermaient le vin dans les boutiques des apothicaires, pour n'en permettre l'usage que par ordonnance des médecins. Quel trait de sagesse ! C'est sans doute, ajouta-t-il, par un heureux reste de cette ancienne frugalité, digne du siècle d'or, qu'il se trouve encore aujourd'hui des personnes qui, comme toi et moi, ne boivent que de l'eau, et qui croient se préserver ou se guérir de tout maux en buvant de l'eau chaude, qui n'a pas bouilli. Car j'ai observé que l'eau, quand elle a bouilli, est plus pesante et moins commode à l'estomac. Tandis qu'il tenait ce discours éloquent, je pensais plus d'une fois éclater de rire. Je gardais pourtant mon sérieux. Je fis plus, j'entrais dans les sentiments du docteur. Je blâmais l'usage du vin et plaignis les hommes d'avoir malheureusement pris goût à une boisson si pernicieuse. Ensuite, comme je ne me sentais pas encore bien désaltéré, je remplis d'eau un grand gobelet, et après avoir bu à longs traits, « Allons, monsieur, dis-je à mon maître, abreuvons-nous de cette liqueur bienfaisante. Faisons revivre dans votre maison ces anciens Thermopyles que vous regrettez si fort. » Il applaudit à ces paroles et m'exhorta pendant une heure entière à ne boire jamais que de l'eau. Pour m'accoutumer à cette boisson, je lui promis d'en boire une grande quantité tous les soirs. Et pour tenir plus facilement ma promesse, je me couchai dans la résolution d'aller tous les jours au cabaret. Le désagrément que j'avais eu chez l'épicier ne m'empêcha pas d'ordonner, dès le lendemain, des saignées et de l'eau chaude. Au sortir d'une maison où je venais de voir un poète qui avait la frénésie, je rencontrai dans la rue une vieille femme qui m'aborda pour me demander si j'étais médecin. Je lui répondis que oui. « Cela étant, reprit-elle, je vous supplie très humblement de venir avec moi. Ma nièce est malade depuis hier, et j'ignore quelle est sa maladie. » Je suivis la vieille, qui me conduisit à sa maison, et me fit entrer dans une chambre assez propre, où je vis une personnalité. Je m'approchai d'elle pour l'observer. D'abord, ses traits me frappèrent, et après l'avoir envisagée quelques moments, je reconnus, à n'en pouvoir douter, que c'était l'aventurière qui avait si bien fait le rôle de Camille. Pour elle, il ne me parut point qu'elle me remît, soit qu'elle fût accablée de son mal, soit que mon habit de médecin me rendit méconnaissable à ses yeux. Je lui pris le bras pour lui tâter le pouls, et j'aperçus ma bague à son doigt. Je fus terriblement émue à la vue d'un bien dont j'étais en droit de me saisir, et j'eus grande envie de faire un effort pour le reprendre. Mais considérant que ces femmes se mettraient à crier et que Don Raphaël ou quelque autre défenseur du beau sexe pourrait accourir à leurs cris, je me gardai de céder à la tentation. Je songeais qu'il valait mieux dissimuler et consulter là-dessus Fabrice. Je m'arrêtai à ce dernier parti. Cependant, la vieille me pressait de lui apprendre de quel mal sa nièce était atteinte. Je ne fus pas assez sot pour avouer que je n'en savais rien. Au contraire, je fis le capable et, copiant mon maître, je dis gravement que le mal provenait de ce que la malade ne transpirait point, qu'il fallait par conséquent se hâter de la saigner, parce que la saignée était le substitut naturel de la transpiration. Et j'ordonnai aussi de l'eau chaude, pour faire les choses suivant nos règles. J'abrégeai ma visite le plus qu'il me fut possible et je courus chez le fils de Nunez, que je rencontrai comme il sortait pour aller faire une commission dont son maître venait de le charger. Je lui contai ma nouvelle aventure et lui demandai s'il jugeait à propos que je fisse arrêter Camille par des gens de justice. « Eh non, me répondit-il, ce ne serait pas le moyen de ravoir ta bague. Ces gens-là n'aiment pas à faire des restitutions. Souviens-toi de ta prison d'Astorga, ton cheval, ton argent, jusqu'à ton habit, tout n'est-il pas demeuré entre leurs mains ? Il faut plutôt nous servir de notre industrie pour rattraper ton diamant. » Je me charge du soin de trouver quelques ruses pour cet effet. Je vais y rêver en allant à l'hôpital où j'ai deux mots à dire au pourvoyeur de la part de mon maître. Toi, va m'attendre à notre cabaret et ne t'impatiente point. Je t'y joindrai dans peu de temps. Il y avait pourtant déjà plus de 3 heures que j'étais au rendez-vous quand il y arriva. Je ne le reconnus pas d'abord. Outre qu'il avait changé d'habit et natté ses cheveux, une moustache postiche lui couvrait la moitié du visage. Il portait une grande épée dont la garde avait pour le moins 3 pieds de circonférence. Et il marchait à la tête de 5 hommes qui avaient, comme lui, l'air déterminé, des moustaches épaisses avec de longues rapières. « Serviteur au seigneur Gil Blas, dit-il en m'abordant, il voit en moi un alguazil de nouvelle fabrique, et dans ces braves gens qui m'accompagnent, des archers de la même trempe. Il n'a qu'à nous mener chez la femme qui lui a volé un diamant, et nous le lui ferons rendre sur ma parole. » J'embrassai Fabrice à ce discours, qui me fit connaître le stratagème qu'il prétendait employer pour moi, et je lui témoignai que j'approuvais fort l'expédient qu'il avait imaginé. Je saluai aussi les faux archers. C'étaient 3 domestiques et 2 garçons barbiers de ses amis qu'il avait engagés à faire ce personnage. J'ordonnai qu'on apportât du vin pour abreuver la brigade, et nous allâmes tous ensemble chez Camille à l'entrée de la nuit. Nous frappâmes à la porte que nous trouvâmes fermée. La vieille vint ouvrir et, prenant les personnes qui étaient avec moi pour des lévriers de justice qui n'entraient pas dans cette maison sans sujet, elle demeura fort effrayée. « Rassurez-vous, ma bonne mère, lui dit Fabrice, nous ne venons ici que pour une petite affaire qui sera bientôt terminée. » À ces mots, nous nous avançâmes et gagnâmes la chambre de la malade, conduite par la vieille, qui marchait devant nous et à la faveur d'une bougie qu'elle tenait dans un flambeau d'argent. Je pris ce flambeau, je m'approchai du lit, et faisant remarquer mes traits à Camille, « Perfide, lui dis-je, reconnaissez ce trop crédule Gil Blas que vous avez trompé. Accélérate, je vous rencontre enfin. Le corregidor a reçu ma plainte, et il a chargé cet alguazil de vous arrêter. Allons, monsieur l'officier, dis-je à Fabrice, faites votre charge. » « Il n'est pas besoin, répondit-il en grossissant sa voix, de m'exhorter à remplir mon devoir. Je me remets cette bonne vivante. Il y a longtemps qu'elle est marquée en lettres rouges sur mes tablettes. Levez-vous, ma princesse, ajouta-t-il. Habillez-vous promptement. Je vais vous servir d'écuyer et vous conduire aux prisons de cette ville, si vous l'avez pour agréable. » À ces paroles, Camille, toute malade qu'elle était, s'apercevant que 2 archers à grandes moustaches se préparaient à la tirer de son lit par force, se mit d'elle-même sur son séant, joignit les mains d'une manière suppliante et, me regardant avec des yeux où la frayeur était peinte, « Seigneur Gil Blas, me dit-elle, ayez pitié de moi. Je vous en conjure par la chaste mère à qui vous devez le jour. Quoique je sois très coupable, je suis encore plus malheureuse. Je vais vous rendre votre diamant et ne me perdez point. » En parlant de cette sorte, elle tira de son doigt ma bague et me la donna. Mais je lui répondis que mon diamant ne suffisait point et que je voulais qu'on me restituât encore les 1000 ducats qui m'avaient été volés dans l'hôtel Garni. « Oh, pour vos ducats, seigneur, répliqua-t-elle, ne me les demandez point. Le traître Don Raphaël, que je n'ai pas vu depuis ce temps-là, les emporta dès la nuit même. « Eh, petite mignonne, dit alors Fabrice, n'y a-t-il qu'à dire, pour vous tirer d'intrigue, que vous n'avez pas eu de part au gâteau ? Vous n'en serez pas quitte à si bon marché. C'est assez que vous soyez des complices de Don Raphaël pour mériter qu'on vous demande compte de votre vie passée. Vous devez bien avoir des choses sur la conscience. Vous viendrez, s'il vous plaît, en prison faire une confession générale. J'y veux mener aussi, continua-t-il, cette bonne vieille. Je juge qu'elle sait une infinité d'histoires curieuses que monsieur le corregidor ne sera pas fâché d'entendre. Les deux femmes, à ces mots, mirent tout en usage pour nous attendrir. Elles remplirent la chambre de cris, de plaintes et de lamentations. Tandis que la vieille, à genoux, tantôt devant l'alguazil et tantôt devant les archers, tâchait d'exciter leur compassion, Camille me priait de la manière du monde la plus touchante de la sauver des mains de la justice. Je feignis de me laisser fléchir. « Monsieur l'officier, dis-je au fils de Nunez, puisque j'ai mon diamant, je me console du reste. Je ne souhaite pas qu'on fasse de la peine à cette pauvre femme. Je ne veux point la mort du pécheur. »« Fi donc, répondit-il, vous avez de l'humanité. Vous ne seriez pas bon à être exempt. Il faut, poursuivit-il, que je m'acquitte de ma commission. » Il m'est expressément ordonné d'arrêter ses infantes. Monsieur le corrégidor en veut faire un exemple. Et de grâce, repris-je, ayez quelque égard à ma prière, et relâchez-vous un peu de votre devoir en faveur du présent que ces dames vont vous offrir. Oh, c'est une autre affaire, repartit-il. Voilà ce qui s'appelle une figure de rhétorique bien placée. Ça, voyons, qu'ont-elles à me donner ? J'ai un collier de perles, lui dit Camille, et des pendants d'oreilles d'un prix considérable. Oui, mais, interrompit-il brusquement, si cela vient des îles Philippines, je n'en veux point. Vous pouvez les prendre en assurance, reprit-elle, je vous les garantis, fin. En même temps, elle se fit apporter par la vieille une petite boîte, d'où elle tira le collier et les pendants, qu'elle mit entre les mains de monsieur Laloisier. Bien qu'il ne se connût guère mieux que moi en pierrerie, il ne douta pas que celles qui composaient les pendants ne fussent fines, aussi bien que les perles. « Ces bijoux, dit-il, après les avoir considérés attentivement, me paraissent de bon aloi. Et si l'on ajoute à cela le flambeau d'argent que tient le seigneur Gil Blas, je ne réponds plus de ma fidélité. « Je ne crois pas, dis-je alors à Camille, que vous vouliez, pour une bagatelle, rompre un accommodement ainsi avantageux pour vous. » En prononçant ces dernières paroles, j'ôtai la bougie que je remis à la vieille et livrai le flambeau à Fabrice qui, s'en tenant là, peut-être parce qu'il n'apercevait plus rien dans la chambre qui se put aisément emporter, dit aux deux femmes « Adieu, mesdames, demeurez tranquilles. Je vais parler à monsieur le corrégidor et vous rendre plus blanche que la neige. Nous savons lui tourner les choses comme il nous plaît et nous ne lui faisons des rapports fidèles que quand rien ne nous oblige à en lui en faire de faux. » Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 5. Suite de l'aventure de la bague retrouvée, Gil Blas abandonne la médecine et le séjour de Valladolid. Après avoir exécuté de cette manière le projet de Fabrice, nous sortîmes de chez Camille en nous applaudissant d'un succès qui surpassait notre attente, car nous n'avions compté que sur la bague. Nous emportions sans façon tout le reste. Bien loin de nous faire un scrupule d'avoir volé des courtisanes, nous nous imaginions avoir fait une action méritoire. « Messieurs, nous dit Fabrice, lorsque nous fûmes dans la rue, je suis d'avis que nous regagnions notre cabaret, où nous passerons la nuit à nous réjouir. Demain, nous vendrons le flambeau, le collier, les pendants d'oreilles, et nous en partagerons l'argent en frères. Après quoi, chacun reprendra le chemin de sa maison et s'excusera du mieux qu'il lui sera possible auprès de son maître. » La pensée de M. l'alguazil nous parut très judicieuse. Nous retournâmes tous au cabaret, les uns jugeant qu'ils trouveraient facilement une excuse pour avoir découché, et les autres ne se souciant guère d'être chassés de chez eux. Nous fîmes apprêter un bon souper et nous nous mîmes à table avec autant d'appétit que de gaieté. Le repas fut assaisonné de 1000 discours agréables. Fabrice, surtout, qui savait donner de l'enjouement à la conversation, divertit fort la compagnie. Il lui échappa je ne sais combien de traits pleins de sel castillan, qui vaut bien le sel attique. Dans le temps que nous étions le plus en train de rire, notre joie fut tout à coup troublée par un événement imprévu. Il entra dans la chambre où nous soupions, un homme assez bien fait, suivi de deux autres de très mauvaise mine. Après cela, trois autres parurent, et nous en comptâmes jusqu'à 12, qui survinrent ainsi 3 à 3. Ils portaient des carabines avec des épées et des baïonnettes. Nous vîmes bien que c'étaient des archers de la patrouille, et il ne nous fut pas difficile de juger de leur intention. Nous eûmes d'abord quelque envie de résister, mais ils nous enveloppèrent en un instant et nous tinrent en respect, tant par leur nombre que par leurs armes à feu. « Messieurs, nous dit le commandant d'un air railleur, je sais par quel ingénieux artifice vous venez de retirer une bague des mains de certaines aventurières. Certes, le trait est excellent et mérite bien une récompense publique. Aussi ne peut-elle vous échapper. La justice, qui vous destine chez elle un logement, ne manquera pas de reconnaître un si bel effort de génie. » Toutes les personnes à qui ce discours s'adressait en furent déconcertées. Nous changeâmes de contenance et sentîmes à notre tour la même frayeur que nous avions inspirée chez Camille. Fabrice, pourtant, quoique pâle et défait, voulut nous justifier. « Seigneur, dit-il, nous n'avons pas eu une mauvaise intention, et par conséquent, on doit nous pardonner cette petite supercherie. »« Comment diable ? » répliqua le commandant avec colère. « Vous appelez cela une petite supercherie ? Savez-vous bien qu'il y va de la corde ? Outre qu'il n'est pas permis de se rendre justice soi-même, vous avez emporté un flambeau, un collier et des pendants d'oreilles. Et ce qui pisait, pour faire ce vol, vous vous êtes travesti en archer. Des misérables se déguisaient en honnêtes gens pour mal faire. Je vous trouverai trop heureux si l'on ne vous condamne qu'à faucher le grand pré. » Lorsqu'il nous eut fait comprendre que la chose était encore plus sérieuse que nous ne l'avions pensé d'abord, nous nous jetâmes tous à ses pieds et le priâmes d'avoir pitié de notre jeunesse. Mais nos prières furent inutiles. Il rejeta de plus la proposition que nous fîmes de lui abandonner le collier, les pendants et le flambeau. Il refusa même ma bague, parce que je la lui offrais peut-être en trop bonne compagnie. Enfin, il se montra inexorable. Il fit désarmer mes compagnons et nous emmena tous ensemble aux prisons de la ville. Comme on nous y conduisait, un des archers m'apprit que la vieille qui demeurait avec Camille, nous ayant soupçonnés de n'être pas de véritables valets de pied de la justice, nous avait suivis jusqu'au cabaret. Et que là, ses soupçons s'étant tournés en certitude, elle en avait averti la patrouille pour se venger de nous. On nous fouilla d'abord partout. On nous ôta le collier, les pendants et le flambeau. On m'arracha pareillement ma bague avec le rubis des îles Philippines que j'avais, par malheur, dans mes poches. On ne me laissa pas seulement les réaux que j'avais reçus ce jour-là pour mes ordonnances. Ce qui me prouva que les gens de justice de Valladolid savaient aussi bien faire leur charge que ceux d'Astorga et que tous ces messieurs avaient des manières uniformes. Tandis qu'on me spoliait de mes bijoux et de mes espèces, l'officier de la patrouille, qui était présent, contait notre aventure au ministre de la spoliation. Le fait leur parut si grave que la plupart d'entre eux nous trouvaient dignes du dernier supplice. Les autres, moins sévères, disaient que nous pourrions en être quittes pour chacun 200 coups de fouet avec quelques années de service sur mer. En attendant la décision de monsieur le corregidor, on nous enferma dans un cachot où nous nous couchâmes sur la paille, dont il était presque aussi jonché qu'une écurie où l'on a fait la litière aux chevaux. Nous aurions pu y demeurer longtemps et n'en sortir que pour aller aux galères si, dès le lendemain, le seigneur Manuel Ordóñez n'eût entendu parler de notre affaire et résolu de tirer Fabrice de prison, ce qu'il ne pouvait faire sans nous délivrer tous avec lui. C'était un homme fort estimé dans la ville. Il n'épargna point les sollicitations, et tant par son crédit que par celui de ses amis, il obtint, au bout de 3 jours, notre élargissement. Mais nous ne sortîmes point de ce lieu-là comme nous y étions entrés. Le flambeau, le collier, les pendants, ma bague et le rubis, tout y resta. Cela me fit souvenir de ces vers de Virgile qui commencent par « Sic vos non vobis ». D'abord que nous fûmes en liberté, nous retournâmes chez nos maîtres. Le docteur Sangrado me reçut bien. « Mon pauvre Gil Blas, me dit-il, je n'ai su que ce matin ta disgrâce. Je me préparais à solliciter fortement pour toi. Il faut te consoler de cet accident, mon ami, et t'attacher plus que jamais à la médecine. » Je répondis que j'étais dans ce dessein, et véritablement je m'y donnais tout entier. Bien loin de manquer d'occupation, il arriva, comme mon maître l'avait si heureusement prédit, qu'il y eut bien des maladies. La petite vérole et des fièvres malignes commencèrent à régner dans la ville et dans les faubourgs. Tous les médecins de Valladolid eurent de la pratique, et nous particulièrement. Il ne se passait point de jour que nous ne vissions chacun 8 ou 10 malades, ce qui suppose bien de l'eau bue et du sang répandu. Mais je ne sais comment cela se faisait, ils mouraient tous, soit que nous les traitassions fort mal, soit que leurs maladies fussent incurables. Nous faisions rarement 3 visites à un même malade. Dès la seconde, nous apprenions qu'il venait d'être enterré ou nous le trouvions à l'agonie. Comme je n'étais qu'un jeune médecin qui n'avait pas encore eu le temps de s'endurcir au meurtre, je m'affligeais des événements funestes qu'on pouvait m'imputer. « Monsieur, dis-je un soir au docteur Sangrado, j'atteste ici le ciel que je suis exactement votre méthode. Cependant, tous mes malades vont dans l'autre monde. On dirait qu'ils prennent plaisir à mourir pour décréditer notre médecine. J'en ai rencontré aujourd'hui 2 qu'on portait en terre. « Mon enfant, me répondit-il, je pourrais te dire à peu près la même chose. Je n'ai pas souvent la satisfaction de guérir les personnes qui tombent entre mes mains. Et si je n'étais pas aussi sûr de mes principes que je le suis, je croirais mes remèdes contraires à presque toutes les maladies que je traite. « Si vous m'en voulez croire, monsieur, repris-je, nous changerons de pratique. Donnons par curiosité des préparations chimiques à nos malades. Le pire qu'il en puisse arriver, c'est qu'elles produisent le même effet que notre eau chaude et nos saignées. « Je ferai volontiers cet essai, répliqua-t-il, si cela ne tirait point à conséquence. Mais j'ai publié un livre où je vante la fréquente saignée et l'usage de la boisson. Veux-tu que j'aille décrier mon ouvrage ?»« Oh, vous avez raison, lui répartis-je. Il ne faut point accorder ce triomphe à vos ennemis. Ils diraient que vous vous laissez désabuser. Ils vous perdraient de réputation. Périssent plutôt le peuple, la noblesse et le clergé. Allons donc toujours notre train. Après tout, nos confrères, malgré l'aversion qu'ils ont pour la saignée, ne savent pas faire de plus grands miracles que nous, et je crois que leurs drogues valent bien nos spécifiques. » Nous continuâmes à travailler sur nouveaux frais, et nous y procédâmes de manière qu'en moins de 6 semaines, nous fîmes autant de veuves et d'orphelins que le siège de Troie. Il semblait que la peste fût dans Valladolid, tant on y faisait de funérailles. Il venait tous les jours au logis, quelques pères, nous demander compte d'un fils que nous lui avions enlevé, ou bien quelconque qui nous reprochait la mort de son neveu. Pour les neveux et les fils dont les oncles et les pères s'étaient mal trouvés de nos remèdes, ils ne paraissaient point chez nous. Les maris étaient aussi fort discrets. Ils ne nous chicanaient point sur la perte de leur femme. Les personnes affligées dont il nous fallait essuyer les reproches avaient quelquefois une douleur brutale. Ils nous appelaient « ignorants, assassins ». Ils ne ménageaient point les terres. J'étais ému de leurs épithètes. Mais mon maître, qui était fait à cela, les écoutait de sang-froid. J'aurais pu, comme lui, m'accoutumer aux injures si le ciel, pour ôter sans doute aux malades de Valladolid un de leurs fléaux, n'eût fait naître une occasion de me dégoûter de la médecine que je pratiquais avec si peu de succès. Il y avait dans notre voisinage un jeu de paume où les fainéants de la ville s'assemblaient chaque jour. On y voyait un de ces braves de profession qui s'érigent en maître et décident les différends dans les tripots. Il était de Biscaye et se faisait appeler Don Rodrigue de Mondragon. Il paraissait avoir 30 ans. C'était un homme de taille ordinaire, mais sec et nerveux. Outre 2 petits yeux étincelants qui lui roulaient dans la tête et semblaient menacer tous ceux qu'il regardait, un nez fort épaté lui tombait sur une moustache rousse qui s'élevait en croc jusqu'à la tempe. Il avait la parole si rude et si brusque qu'il n'avait qu'à parler pour inspirer de l'effroi. Ce casseur de raquettes s'était rendu le tyran du jeu de paume. Il jugeait impérieusement les contestations qui survenaient entre les joueurs et il ne fallait pas qu'on appelât de ses jugements, à moins que l'appelant ne voulût se résoudre à recevoir de lui, le lendemain, un cartel de défi. Tel que je viens de représenter le seigneur Don Rodrigue, que le don qu'il mettait à la tête de son nom n'empêchait pas d'être roturier, il fit une tendre impression sur la maîtresse du tripot. C'était une femme de 40 ans, riche, assez agréable et veuve depuis 15 mois. J'ignore comment il put lui plaire. Ce ne fut pas sans doute par sa beauté. Ce fut apparemment par ce je ne sais quoi qu'on ne saurait dire. Quoi qu'il en soit, elle eut du goût pour lui et forma le dessein de l'épouser. Mais dans le temps qu'elle se préparait à consommer cette affaire, elle tomba malade et, malheureusement pour elle, je devins son médecin. Quand sa maladie n'aurait pas été une fièvre maligne, mes remèdes suffisaient pour la rendre dangereuse. Au bout de 4 jours, je remplis de deuil le tripot. La paumière alla où j'envoyais tous mes malades, et ses parents s'emparèrent de son bien. Don Rodrigue, au désespoir d'avoir perdu sa maîtresse, ou plutôt l'espérance d'un mariage très avantageux pour lui, ne se contenta pas de jeter feu et flamme contre moi. Il jura qu'il me passerait son épée au travers du corps et m'exterminerait à la première vue. Un voisin charitable m'avertit de ce serment et me conseilla de ne point sortir du logis, de peur de rencontrer ce diable d'homme. Cet avis, quoique je n'eusse pas envie de le négliger, me remplit de trouble et de frayeur. Je m'imaginais sans cesse que je voyais entrer dans notre maison le biscaïen furieux. Je ne pouvais goûter un moment de repos. Cela me détacha de la médecine et je ne songeais plus qu'à m'affranchir de mon inquiétude. Je repris mon habit brodé et, après avoir dit adieu à mon maître qui ne put me retenir, je sortis de la ville à la pointe du jour, non sans craindre de trouver Don Rodrigue en mon chemin. Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 6. Quelle route il prit en sortant de Valladolid et quel homme le joignit en chemin. Je marchais fort vite et regardais de temps en temps derrière moi pour voir si ce redoutable biscaïen ne suivait point mes pas. J'avais l'imagination si remplie de cet homme-là que je prenais pour lui tous les arbres et les buissons. Je sentais à tout moment mon cœur tressaillir d'effroi. Je me rassurai pourtant après avoir fait une bonne lieue et je continuai plus doucement mon chemin vers Madrid où je me proposais d'aller. Je quittai sans peine le séjour de Valladolid. Tout mon regret était de me séparer de Fabrice, mon cher Pilade, à qui je n'avais pu même faire mes adieux. Je n'étais nullement fâchée d'avoir renoncé à la médecine. Au contraire, je demandais pardon à Dieu de l'avoir exercé. Je ne laissais pas de compter avec plaisir l'argent que j'avais dans mes poches, bien que ce fût le salaire de mes assassinats. Je ressemblais aux femmes qui cessent d'être libertines, mais qui gardent toujours à bon compte le profit de leur libertinage. J'avais en réaux à peu près la valeur de 5 ducats. C'était là tout mon bien. Je me promettais, avec cela, de me rendre à Madrid, où je ne doutais point que je ne trouvasse quelques bonnes conditions. D'ailleurs, je souhaitais passionnément d'être dans cette superbe ville qu'on m'avait vantée comme l'abrégé de toutes les merveilles du monde. Tandis que je rappelais tout ce que j'en avais ouï dire et que je jouissais par avance des plaisirs qu'on y prend, j'entendis la voix d'un homme qui marchait sur mes pas et qui chantait à plein gosier. Il avait sur le dos un sac de cuir, une guitare pendue au cou, et il portait une assez longue épée. Il allait si bon train qu'il me joignit en peu de temps. C'était un des 2 garçons barbiers avec qui j'avais été en prison pour l'aventure de la bague. Nous nous reconnûmes d'abord l'un l'autre, quoique nous eussions changé d'habit, et nous demeurâmes fort étonnés de nous rencontrer inopinément sur un grand chemin. Si je lui témoignais que j'étais ravie de l'avoir pour compagnon de voyage, il me parut, de son côté, sentir une extrême joie de me revoir. Je lui contai pourquoi j'abandonnais Valladolid, et lui, pour me faire la même confidence, m'apprit qu'il avait eu du bruit avec son maître et qu'ils s'étaient dit tous deux réciproquement un éternel adieu. « Si j'eusse voulu, ajouta-t-il, demeurer plus longtemps à Valladolid, j'y aurais trouvé 10 boutiques pour une, car, sans vanité, j'ose dire qu'il n'est point de barbier en Espagne qui sache mieux que moi rasé, à poil et à contre-poil, et mettre une moustache en papillote. Mais je n'ai pu résister davantage au violent désir que j'ai de retourner dans ma patrie, d'où il y a 10 années entières que je suis sortie. Je veux respirer un peu l'air du pays et savoir dans quelle situation sont mes parents. Je serai chez eux après-demain, puisque l'endroit qu'ils habitent et qu'on appelle Olmedo est un gros village en deçà de Ségovie. Je résolus d'accompagner ce barbier jusque chez lui et d'aller à Ségovie chercher quelques commodités pour Madrid. Nous commençâmes à nous entretenir de choses indifférentes en poursuivant notre route. Ce jeune homme était de bonne humeur et avait l'esprit agréable. Au bout d'une heure de conversation, il me demanda si je me sentais de l'appétit. Je lui répondis qu'il le verrait à la première hôtellerie. « En attendant que nous y arrivions, me dit-il, nous pouvons faire une pause. J'ai dans mon sac de quoi déjeuner. » Quand je voyage, j'ai toujours soin de porter des provisions. Je ne me charge point d'habits, de linge, ni d'autres hardes inutiles. Je ne veux rien de superflu. Je ne mets dans mon sac que des munitions de bouche, avec mes rasoirs et une savonnette. Je louai sa prudence et consentis de bon cœur à la pause qu'il proposait. J'avais faim et je me préparais à faire un bon repas. Après ce qu'il venait de dire, je m'y attendais. Nous nous détournâmes un peu du grand chemin pour nous asseoir sur l'herbe. Là, mon garçon barbier étala ses vivres, qui consistaient dans 5 ou 6 oignons avec quelques morceaux de pain et de fromage. Mais ce qu'il produisit comme la meilleure pièce du sac fut un petit outre rempli, disait-il, d'un vin délicat et friand. Quoique les mets ne fussent pas bien savoureux, la faim qui nous pressait l'un et l'autre ne nous permit pas de les trouver mauvais. Et nous vidâmes aussi l'outre, où il y avait environ 2 pintes, d'un vin qu'il se serait fort bien passé de me vanter. Nous nous levâmes après cela et nous nous remîmes en marche avec beaucoup de gaieté. Le barbier, à qui Fabrice avait dit qu'il m'était arrivé des aventures très particulières, me pria de les lui apprendre moi-même. Je crus ne pouvoir rien refuser à un homme qui m'avait si bien régalé. Je lui donnai la satisfaction qu'il demandait. Ensuite, je lui dis que, pour reconnaître ma complaisance, il fallait qu'il me contât aussi l'histoire de sa vie. « Oh, pour mon histoire, s'écria-t-il, elle ne mérite guère d'être entendue. Elle ne contient que des faits fort simples. » « Néanmoins, ajouta-t-il, puisque nous n'avons rien de meilleur à faire, je vais vous la raconter telle qu'elle est. » En même temps, il en fit le récit à peu près de cette sorte. Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 7. Histoire du garçon barbier. Fernand Pérez de la Fuente, mon grand-père, je prends la chose de loin. Après avoir été pendant 50 ans barbier du village d'Olmedo, mourut et laissa 4 fils. L'aîné, nommé Nicolas, s'empara de sa boutique et lui succéda dans sa profession. Bertrand, le puîné, se mettant le commerce en tête, devint marchand mercier. Et Thomas, qui était le 3e, se fit maître d'école. Pour le 4e, qu'on appelait Pedro, comme il se sentait né pour les belles lettres, il vendit une petite pièce de terre qu'il avait eue pour son partage et alla demeurer à Madrid, où il espérait qu'un jour il se ferait distinguer par son savoir et par son esprit. Ses 3 autres frères ne se séparèrent point. Ils s'établirent à Olmedo en se mariant avec des filles de laboureurs qui lui apportèrent en mariage peu de biens, mais en récompense une grande fécondité. Elles firent des enfants comme à l'envi l'une de l'autre. Ma mère, femme du barbier, en mit au monde 6 pour sa part dans les 5 premières années de son mariage. Je fus du nombre de ceux-là. Mon père m'apprit de très bonne heure à raser. Et lorsqu'il me vit parvenu à l'âge de 15 ans, il me chargea les épaules de ce sac que vous voyez, me ceignit d'une longue épée et me dit « Va, Diego, tu es en état présentement de gagner ta vie. Va courir le pays. Tu as besoin de voyager pour te dégourdir et te perfectionner dans ton art.

avec un havresac dont il s'était déchargé les épaules. Il nous parut mal vêtu, mais bien fait et de bonne mine. Nous l'abordâmes civilement, il nous salua de même. Ensuite, il nous présenta de ses croûtes et nous demanda d'un air riant si nous voulions être de la partie. Nous lui répondîmes que oui, pourvu qu'il trouvât bon que, pour rendre le repas plus solide, nous joignissions notre déjeuner au sien. Il y consentit fort volontiers et nous exhibâmes aussitôt nos denrées. Ce qui ne déplut point à l'inconnu. « Comment donc, messieurs ? » s'écria-t-il, tout transporté de joie. « Voilà bien des munitions. Vous êtes, à ce que je vois, des gens de prévoyance. Je ne voyage pas avec tant de précautions, moi. Je donne beaucoup au hasard. Cependant, malgré l'état où vous me trouvez, je puis dire sans vanité que je fais quelquefois une figure assez brillante. Savez-vous bien qu'on me traite ordinairement de prince et que j'ai des gardes à ma suite ? Je vous entends, dit Diego. Vous voulez nous faire comprendre par là que vous êtes comédien. Vous l'avez deviné, répondit l'autre. Je fais la comédie depuis 15 années pour le moins. Je n'étais encore qu'un enfant que je jouais déjà de petits rôles. Franchement, répliqua le barbier en branlant la tête, j'ai de la peine à vous croire. Je connais les comédiens. Ces messieurs-là ne font pas, comme vous, des voyages à pied, ni des repas de Saint-Antoine. Je doute même que vous mouchiez les chandelles. Vous pouvez, repartit l'histrion, penser de moi tout ce qu'il vous plaira. Mais je ne laisse pas de jouer les premiers rôles. Je fais les amoureux. Cela étant, dit mon camarade, je vous en félicite. Et suis ravi que le seigneur Gil Blas et moi nous ayons l'honneur de déjeuner avec un personnage d'une si grande importance. Nous commençâmes alors à ronger nos grignons et les restes précieux du lièvre en donnant à l'outre de si rudes accolades que nous l'eûmes bientôt vidé. Nous étions si occupés tous trois de ce que nous faisions que nous ne parlâmes presque point pendant ce temps-là. Mais après avoir mangé, nous reprîmes ainsi la conversation. « Je suis surpris, dit le barbier au comédien, que vous paraissiez si mal dans vos affaires. Pour un héros de théâtre, vous avez l'air bien indigent. Pardonnez si je vous dis si librement ma pensée. » « Si librement ? » s'écria l'acteur. « Ah, vraiment ? Vous ne connaissez guère Melchior Zapata ? Grâce à Dieu, je n'ai point un esprit à contrepoil. Vous me faites plaisir de me parler avec tant de franchise, car j'aime à dire aussi tout ce que j'ai sur le cœur. J'avoue de bonne foi que je ne suis pas riche. Tenez, poursuivit-il, en nous faisant remarquer que son pourpoint était doublé d'affiches de comédie. Voilà l'étoffe ordinaire qui me sert de doublure. Et si vous êtes curieux de voir ma garde-robe, je vais satisfaire votre curiosité. En même temps, il tira de son havresac un habit couvert de vieux passements d'argent faux, une mauvaise capeline avec quelques vieilles plumes, des bas de soie tout pleins de trous et des souliers de maroquin rouge fort usés. Vous voyez, nous dit-il ensuite, que je suis passablement gueux. Cela m'étonne, répliqua Diego. Vous n'avez donc ni femme ni fille. J'ai une femme, belle et jeune, repartit Zapata, et je n'en suis pas plus avancée. Admirez la fatalité de mon étoile. J'épouse une aimable actrice, dans l'espérance qu'elle ne me laissera pas mourir de faim. Et pour mon malheur, elle a une sagesse incorruptible. Qui diable n'y aurait pas été trompé comme moi ? Il faut que, parmi les comédiennes de campagne, il s'en trouve une vertueuse, et qu'elle me tombe entre les mains. C'est assurément le jouet de malheur, dit le barbier. Aussi, que ne preniez-vous une actrice de la grande troupe de Madrid ? Vous auriez été sûr de votre fête. J'en demeure d'accord, reprit l'histrion. Mais, malpeste, il n'est pas permis à un petit comédien de campagne d'élever sa pensée jusqu'à ces fameuses héroïnes. C'est tout ce que pourrait faire un acteur, même de la troupe du prince. Encore y en a-t-il qui sont obligés de se pourvoir en ville. Heureusement pour eux, la ville est bonne, et l'on y rencontre souvent des sujets qui valent bien des princesses de coulisses. Et n'avez-vous jamais songé, lui dit mon compagnon, à vous introduire dans cette troupe? Est-il besoin d'un mérite infini pour y entrer? Bon, répondit Melchior, vous moquez-vous avec votre mérite infini? Il y a 20 acteurs. Demandez de leurs nouvelles au public. Vous en entendrez parler dans de jolis termes. Il y en a plus de la moitié qui mériterait de porter encore le havresac. Malgré tout cela, néanmoins, il n'est pas aisé d'être reçu parmi eux. Il faut des espèces ou de puissants amis pour suppléer à la médiocrité du talent. Je dois le savoir, puisque je viens de débuter à Madrid, où j'ai été hué et sifflé comme tous les diables. Quoique je dusse être fort applaudi, car j'ai crié, j'ai pris des tons extravagants, je suis sorti 100 fois de la nature. De plus, j'ai mis en déclamant le poing sous le menton de ma princesse. En un mot, j'ai joué dans le goût des grands acteurs de ce pays-là. Et cependant, le même public, qui trouve en eux ces manières fort agréables, n'a pu les souffrir en moi. Voyez ce que c'est que la prévention. Ainsi donc, ne pouvant plaire par mon jeu, et n'ayant pas de quoi me faire recevoir en dépit de ceux qui m'ont sifflé, je m'en retourne à Samor. J'y vais rejoindre ma femme et mes camarades, qui n'y font pas trop bien leurs affaires. Puissions-nous n'être pas obligés d'y quêter, pour nous mettre en état de nous rendre dans une autre ville, comme cela nous est arrivé plus d'une fois. À ces mots, le prince dramatique se leva, reprit son havresac et son épée, et nous dit d'un air grave en nous quittant « Adieu, messieurs, puissent les dieux sur vous épuiser leur faveur. » « Et vous, lui répondit Diego du même ton, puissiez-vous retrouver à sa mort à votre femme changée et bien établie ?» Dès que le seigneur Zapata nous eut tourné les talons, il se mit à gesticuler et à déclamer en marchant. Aussitôt, le barbier et moi, nous commençâmes à le siffler pour lui rappeler son début. Nos sifflements frappèrent ses oreilles. Il crut entendre encore les sifflets de Madrid. Il regarda derrière lui, et voyant que nous prenions plaisir à nous égayer à ses dépens, loin de s'offenser de ce trait bouffon, il entra de bonne grâce dans la plaisanterie et continua son chemin en faisant de grands éclats de rire. De notre côté, nous nous en donnâmes à cœur joie, puis nous regagnâmes le grand chemin et poursuivîmes notre route. Gil Blas de Santillane, livre 2, chapitre 9. Dans quel état Diego retrouva sa famille et après quelle réjouissance Gil Blas et lui se séparèrent. Nous allâmes, ce jour-là, coucher entre Mollados et Valpuesta dans un petit village dont j'ai oublié le nom. Et le lendemain, nous arrivâmes, sur les 11 heures du matin, dans la plaine d'Olmedo. Seigneur Gil Blas, me dit mon camarade, voici le lieu de ma naissance. Je ne puis le revoir sans transport, tant il est naturel d'aimer sa patrie. Seigneur Diego, lui répondis-je, un homme qui témoigne tant d'amour pour son pays en devait parler, ce me semble, un peu plus avantageusement que vous n'avez fait. Olmedo me paraît une ville, et vous m'avez dit que c'était un village. Il fallait du moins le traiter de gros bourg. « Je lui fais réparation d'honneur, reprit le barbier, mais je vous dirai qu'après avoir vu Madrid, Tolède, Saragosse et toutes les autres grandes villes où j'ai demeuré en faisant le tour de l'Espagne, je regarde les petites comme des villages. » À mesure que nous avancions dans la plaine, il nous paraissait que nous apercevions beaucoup de monde auprès d'Olmedo. Et lorsque nous fûmes plus à portée de discerner les objets, nous trouvâmes de quoi vouloir occuper nos regards. Il y avait 3 pavillons tendus à quelque distance l'un de l'autre et tout auprès un grand nombre de cuisiniers et de marmitons qui préparaient un festin. Ceux-ci mettaient des couverts sur de longues tables dressées sous les tentes, ceux-là remplissaient de vin des cruches de terre, les autres faisaient bouillir les marmites et les autres, enfin, tournaient des broches où il y avait toutes sortes de viandes. Mais je considérais plus attentivement que tout le reste un grand théâtre qu'on avait élevé. Il était orné d'une décoration de carton peint de diverses couleurs et chargé de devises grecques et latines. Le barbier n'eut pas plus tôt vu ces inscriptions qu'il me dit « Tous ces mots grecs sentent furieusement mon oncle Thomas. Je vais parier qu'il y aura mis la main. Car entre nous, c'est un habile homme. Il sait par cœur une infinité de livres de collège. Tout ce qui me fâche, c'est qu'il en rapporte sans cesse des passages dans la conversation, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Outre cela, continua-t-il, mon oncle a traduit des poètes latins et des auteurs grecs. Il possède l'Antiquité, comme on peut le voir par les belles remarques qu'il a faites. Sans lui, nous ne saurions pas que dans la ville d'Athènes, les enfants pleuraient quand on leur donnait le fouet. Nous devons cette découverte à sa profonde érudition. Après que mon camarade et moi nous eûmes regardé toutes les choses dont je viens de parler, il nous prit envie d'apprendre pourquoi l'on faisait de pareils préparatifs. Nous allions nous en informer lorsque, dans un homme qui avait l'air de l'ordonnateur de la fête, Diego reconnut le seigneur Thomas de la Fuente, que nous joignîmes avec empressement. Le maître d'école ne remit pas d'abord le jeune barbier, tant il le trouva changé depuis 10 années. Ne pouvant toutefois le méconnaître, il l'embrassa cordialement et lui dit d'un air affectueux « Eh, te voilà, Diego, mon cher neveu, te voilà donc de retour dans la ville qui t'a vu naître. Tu viens revoir tes dieux pénates, et le ciel te rend sain et sauf à ta famille. Ô jour 3 et 4 fois heureux, jour digne d'être marqué d'une pierre blanche. Il y a bien des nouvelles, mon ami, poursuivit-il. Ton oncle Pedro, le bel esprit, est devenu la victime de Pluton. Il y a 3 mois qu'il est mort. Cet avare, pendant sa vie, craignait de manquer des choses les plus nécessaires. Argenti, palebat amore. Outre les grosses pensions que quelques grands lui faisaient, il ne dépensait pas 10 pistoles chaque année pour son entretien. Il était même servi par un valet qu'il ne nourrissait point. Ce folle, plus insensé que le grec Aristippe, qui fit jeter au milieu de la Libye toutes les richesses que portaient ses esclaves, comme un fardeau qui les incommodait dans leur marche, entassait tout l'or et l'argent qu'il pouvait amasser. Et pour qui ? Pour des héritiers qu'il ne voulait point voir. Il était riche de 30 000 ducats que ton père, ton oncle Bertrand et moi, nous avons partagés. Nous sommes en état de bien établir nos enfants. Mon frère Nicolas a déjà disposé de ta sœur Thérèse. Il vient de la marier au fils d'un de nos alcades. Connubio junxit stabili propiamque dicavit. C'est cet hymen formé sous les plus heureux auspices que nous célébrons depuis 2 jours avec tant d'appareils. Nous avons fait dresser dans la plaine ces pavillons. Les 3 héritiers de Pedro ont chacun le sien et font tour à tour la dépense d'une journée. Je voudrais que tu fusses arrivé plus tôt, tu aurais vu le commencement de nos réjouissances. Avant-hier, jour du mariage, ton père faisait les frais. Il donna un festin superbe qui fut suivi d'une course de bagues. Ton oncle, le mercier, mit hier la nappe et nous régala d'une fête pastorale. Il habilla en berger 10 garçons des mieux faits et 10 jeunes filles. Il employa tous les rubans et toutes les aiguillettes de sa boutique à les parer. Cette brillante jeunesse forma diverses danses et chanta 1000 chansonnettes tendres et légères. Néanmoins, quoique rien n'ait jamais été plus galant, cela ne fit pas un grand effet. Il faut qu'on n'aime plus la pastorale. Pour aujourd'hui, continua-t-il, tout roule sur mon compte et je dois fournir au bourgeois d'Olmedo un spectacle de mon invention. Finis coronabit opus. J'ai fait élever un théâtre sur lequel, Dieu aidant, je ferai représenter par mes disciples une pièce que j'ai composée. Elle a pour titre « Les amusements de Mulet Bugentuf, roi du Maroc ». Elle sera parfaitement bien jouée parce que j'ai des écoliers qui déclament comme les comédiens de Madrid. Ce sont des enfants de famille de Peñafiel et de Ségovie que j'ai en pension chez moi. Les excellents acteurs. Il est vrai que je les ai exercés. Leur déclamation paraîtra frappée au coin du maître. Ut et adicam. À l'égard de la pièce, je ne t'en parlerai point. Je veux te laisser le plaisir de la surprise. Je dirai simplement qu'elle doit enlever tous les spectateurs. C'est un de ces sujets tragiques qui remuent l'âme par les images de mort qu'ils offrent à l'esprit. Je suis du sentiment d'Aristote. Il faut exciter la terreur. Ah, si je m'étais attaché au théâtre, je n'aurais jamais mis sur la scène que des princes sanguinaires, que des héros assassins. Je me serais baigné dans le sang. On aurait toujours vu périr dans mes tragédies non seulement les principaux personnages, mais les gardes même. J'aurais égorgé jusqu'au souffleur. Enfin, je n'aime que l'effroyable. C'est mon goût. Aussi, ces sortes de poèmes entraînent la multitude, entretiennent le luxe des comédiens et font rouler tout doucement les auteurs. Dans le temps qu'il achevait ces paroles, nous vîmes sortir du village et entrer dans la plaine un grand concours de personnes de l'un et de l'autre sexe. C'étaient les deux époux, accompagnés de leurs parents et de leurs amis, et précédés de 10 à 12 joueurs d'instruments qui, jouant tous ensemble, formait un concert très bruyant. Nous allâmes au-devant d'eux et Diego se fit connaître. Des cris de joie s'élevèrent aussitôt dans l'assemblée et chacun s'empressa de courir à lui. Il n'eut pas peu d'affaire à recevoir tous les témoignages d'amitié qu'on lui donna. Toute sa famille et tous ceux même qui étaient présents l'accablèrent d'embrassades. Après quoi son père lui dit « Sois le bienvenu, Diego. Tu retrouves tes parents un peu engraissés, mon ami. Je ne t'en dis pas davantage présentement. Je t'expliquerai cela tantôt par le menu. » Cependant, tout le monde s'avança dans la plaine, se rendit sous les tentes et s'assit autour des tables qu'on y avait dressées. Je ne quittai pas mon compagnon et nous dînâmes tous deux avec les nouveaux mariés qui me parurent bien assortis. Le repas fut assez long, parce que le maître d'école eut la vanité de le vouloir donner à 3 services, pour l'emporter sur ses frères, qui n'avaient pas fait les choses si magnifiquement. Après le festin, tous les convives témoignèrent une grande impatience de voir représenter la pièce du seigneur Thomas, ne doutant pas, disait-il, que la production d'un aussi beau génie que le sien ne méritât d'être entendue. Nous nous approchâmes du théâtre, au-devant duquel tous les joueurs d'instruments s'étaient déjà placés pour jouer dans les entr'actes. Comme chacun, dans un grand silence, attendait qu'on commençât, les acteurs parurent sur la scène, et l'auteur, le poète à la main, s'assit dans les coulisses à portée de souffler. Il avait eu raison de nous dire que la pièce était tragique, car dans le premier acte, le roi de Maroc, par manière de récréation, tua 100 esclaves morts à coups de flèche. Dans le second, il coupa la tête à 30 officiers portugais, qu'un de ses capitaines avait fait prisonnier de guerre. Et dans le troisième, enfin, ce monarque, sous de ses femmes, mit le feu lui-même à un palais isolé où elles étaient enfermées et le réduisit en cendres avec elles. Les esclaves morts, de même que les officiers portugais, étaient des figures d'osier faites avec beaucoup d'art, et le palais, composé de carton, parut tout embrasé par un feu d'artifice. Cet embrasement, accompagné de 1000 cris plaintifs qui semblaient sortir du milieu des flammes, dénoua la pièce et ferma le théâtre d'une façon très divertissante. Toute la plaine retentit du bruit des applaudissements que reçut une si belle tragédie. Ce qui justifia le bon goût du poète et fit connaître qu'il savait bien choisir ses sujets. Je m'imaginais qu'il n'y avait plus rien à voir après les amusements de Mulet Bugenteuf, mais je me trompais. Des timbales et des trompettes nous annoncèrent un nouveau spectacle. C'était la distribution des prix, car Thomas de la Fuente, pour rendre la fête plus solennelle, avait fait composer tous ses écoliers, tant externes que pensionnaires, et il devait ce jour-là donner à ceux qui avaient le mieux réussi des livres achetés de ses propres deniers à ses goïts. On apporta donc tout à coup sur le théâtre 2 longs bancs d'école avec une armoire à livres remplie de bouquins proprement reliés. Alors tous les acteurs revinrent sur la scène et se rangèrent tout autour du seigneur Thomas qui tenait aussi bien sa morgue qu'un préfet de collège. Il avait à la main une feuille de papier où étaient écrits les noms de ceux qui devaient remporter des prix. Il la donna au roi de Maroc qui commença de la lire à haute voix. Chaque écolier qu'on nommait alla respectueusement recevoir un livre des mains du pédant. Puis il était couronné de lauriers et on le faisait asseoir sur un des deux bancs pour l'exposer au regard de l'assistance admirative. Quelque envie toutefois qu'eut le maître d'école de renvoyer les spectateurs contents, il ne put en venir à bout parce qu'ayant distribué presque tous les prix aux pensionnaires, ainsi que cela se pratique, les mères de quelques externes prirent feu là-dessus et accusèrent le pédant de partialité. De sorte que cette fête, qui jusqu'à ce moment avait été si glorieuse pour lui, pense à finir aussi mal que le festin des lapins.